Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Human anatomy, man. Bonsoir, bonsoir, et oui, c'est bien, Prog à part, l'émission du rock progressif, émission de rentrée, c'est reparti avec un nouvel indicatif, un indicatif qui fait hommage à Annie Morel. Annie Morel, vous le savez tous, c'était, hélas, c'était, j'ai obligé d'utiliser l'imparfait, la violoniste de Silver Lining. Elle nous a quittés fin juin et ça a été une grande, grande tristesse pour nous et pour son entourage. Une femme brillante, adorable, une superbe violoniste. Voilà, donc j'ai décidé de changer, et avec l'accord de Pascal au clavier, ce petit inédit servira donc d'indicatif, histoire de chaque mois se souvenir de la belle Annie. On a commencé avec Hawkwind, un seigneur tout honneur, Warrior on the Edge of Time. Ah, quelle bonne idée ils ont eu, nos amis d'Ésotérique, de rééditer ce chef-d'œuvre considéré par beaucoup, en tout cas c'est mon cas, comme le meilleur disque d'Hawkwind. Il date de 75, coffret triple CD, remasterisé notamment par Monsieur Stephen Wilson, c'est ce que je vous ai fait écouter. C'est de la bombe. Une réédition aussi tout à fait bienvenue qu'on va écouter à l'instant. Quatermass, Quatermass des Britanniques qui ont sorti un unique album en 1970. Ceux qui aiment Deep Purple, le début de Deep Purple in rock, ne vont pas être déçus. Quatermass tout de suite sur le 100.7 et Prog à part, l'émission du rock progressif. We'll be right back.

Une autre initiative de chez Ésotérique, une réédition de 3 albums de Gordon Giltrap, qui n'est pas très très connu par chez nous, un guitariste de talent plutôt acoustique, proche d'Anthony Phillips que de Steve Hackett. Et je vous ai passé, à mon sens, son meilleur album, Perilous Journey. C'est de la musique uniquement instrumentale, donc dominante guitare, vous l'aurez deviné aisément, avec un background, un arrière-plan, clavier et orchestre. C'est, ma foi, fort bien troussé. Perilous Journey, le voyage périlleux. Ça date de 77 et c'est britannique. Avant donc, Quatermass, réédition toujours de chez Ésotérique avec un double album, l'album d'origine de 70 et un DVD. Rien que ça. Nous passons après ces trois rééditions au Queen Quatermass et Giltrap avec les nouveautés. Nous passons aux nouveautés avec tout d'abord The Rome Prog Jet, avec un jeu de mots. The Rome Prog Jet, c'est un claviériste italien qui a eu l'idée de faire venir auprès de lui la crème du rock progressif britannique et aussi italien. Allez, j'en cite quelques-uns. Steve Hackett, David Cross, David Jackson, Richard Sinclair, John Hackett, Nick Magnus, Francesco Di Giacomo de Banco. Et ça nous donne un album concept sur Rome, la ville éternelle. Un album très Genesis, et qui, ma foi, m'a beaucoup emballé, m'a beaucoup plu. Un petit bémol quand même, il n'y a pas de chant. Et au bout d'un moment, ça peut être un peu lassant. En tout cas, c'est quand même de haute volée. Tout de suite, The Rome Prog Jet. consequences. Others just blink, giving a kind of leak nonsense. Patterns with price, judgments and sheets, figures and frames. Ne vous trompez pas, ce que vous avez entendu chanter, c'est un deuxième disque qui nous provient de l'Italie. Après The Rome Prog Jet, qui était donc uniquement instrumental, vous avez eu droit à un extrait de Active Heed, H2ED, Visions from Realities. C'est italien, ça date de 2013, et c'est très très chouette également, du progressif à l'italienne, comme on l'aime. On continue en Italie avec Zarastro Blake, New Progmatics. Zarastro Blake, New Progmatics. Décidément, les Italiens font dans le jeu de mots. Un jeu de mots tout à fait bienvenu. C'est un jeune groupe également, premier album. C'est italien et ça date de 2013. Immortality, her bow. Thank you. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. It was like a little wheeze. Oh, you took a spray. Oh, no. That was a good one. Alarm's going off. Time to get up for work. Every now and I hate so work. Come stand right now. Good afternoon, nightmare. grind you down. Keep your head held high and your feet right on the ground. Hold on to what you know is sound. Don't let the bastards grind you down. Don't let the bastards grind you down. Keep your head held high and your feet right on the ground. Hold on to what you know is sound. Don't let the bastards grind you down. Don't let the bastards grind you down. Keep your head held high. Bastards grind you down. Je disais, petit résumé des chapitres précédents. Après Zarathustra, Blake est un clin d'œil à Mozart et à William Blake. Les Italiens qui ont invité du beau monde, je lisais sur le livret, entre autres Nick Magnus, entre autres Rick Wakeman. Vous avez eu droit à deux morceaux du groupe Teuton, j'allais dire du groupe allemand Crystal Palace. Crystal Palace avec un titre imprononçable, c'est écrit tout en grec ancien, donc U, O égale Oméga. Donc deux morceaux bien troussés. Et à l'instant même, Mother Black Cap, Energy, c'est un groupe anglais et c'est le grand retour d'un petit label que j'aime beaucoup qui s'appelle Cyclops. On continue avec Poor Genetic Material, A Day in June. Seen as the alien, seen seen as a little man who will never be one of us. Inside out, outside in, liminal man, may your day begin. Wind blows through the newspaper pages, a hero's deeds are echoed through the ages. He steers a straight course, no matter what the stage. Siren sounds in unison, a corpse's breath spurs him to move on, to move on, to move on, to move not so brave as we pretend, as we behave. Maybe we're all the same. Dwelling in the dark. Well, concerte sera le lundi 7 octobre, donc dans un bon mois, juste après l'ami Christian, pour une nouvelle édition de Prog à part. D'ici là, grâce à l'ami Jean-Louis qui m'écoute de l'autre côté du poste, eh bien vous retrouverez cette émission en podcast. C'est facile à trouver, vous allez sur le site d'Acid Dragon et vous pourrez écouter et même télécharger cette émission. Voilà pour les nouveautés de septembre. Je vous tiens au courant pour de plus amples informations sur Internet. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur Facebook, sur le site de Prog à part et d'Acid Dragon. Et d'ici là, suivant la formule consacrée, tenez tati. C'était Prog à part, une émission présentée, proposée, réalisée par votre humble serviteur Thierry Sportouche. Avec la collaboration technique de Jean-Louis Delacruz, qu'il soit ainsi remercié. Et le soutien moral indéfectible de l'ami Michel. Ciao, ciao.